franceinter.fr. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir sur France Inter pour un nouveau rendez-vous. Tous les dimanches à 21h, je vous propose un voyage imaginaire, un voyage dans le passé, avec des écrivains, des scénaristes, des comédiens, des bruiteurs et des réalisateurs. Nous irons à la rencontre d'un personnage dont le destin s'est trouvé bousculé par les tourments de l'histoire. Des princes et des princesses, bien sûr, car même si nous autres ne sommes que de vulgaires va-nu-pieds, nous sommes tous en notre fort intérieur de vrais princes et de vraies princesses. Une vérité qu'on a gardée de notre enfance. Prince ou princesse donc, espionne et contrebandier, mercenaire ou résistante, chef de bande, cardinaux et favorite, écrivain, artiste, philosophe. Ils ont connu la guerre de Cent Ans, traversé les mers avec Magellan ou les émigrants du Nouveau Monde, croisé Gavroche sur les barricades de Paris ou Lucrèce Borgia dans son palais romain, frôlé la mort en bravant la Gestapo ou comme Cervantes, prisonnier des geôles barbaresques. Ils ont parfois payé le prix fort pour défendre leur liberté ou leur amour. Bons ou méchants, souvent les deux, ces personnages sont tous romanesques. Ils sont morts il y a longtemps et pourtant ils nous ressemblent, avec leurs envies et leurs doutes, leur sincérité et leur mauvaise foi aussi. Des êtres qui, chaque dimanche soir, l'espace d'un instant, par la magie de la radio, vont retrouver un peu d'esprit et de chair. Autant en emporte l'histoire, jusqu'à 22h, c'est sur France Inter. C'est avec une jeune fille, une enfant presque on pourrait dire, que je vais commencer cette série. Elle s'appelait Marie-Angélique de Scorail, devenue par la suite duchesse de Fontange, morte à 20 ans. Cette favorite de Louis XIV ne fit qu'un passage éclair dans l'histoire. Arrivée à la cour de Versailles à 17 ans, elle fut une des multiples maîtresses du roi Soleil. Mais son histoire nous parle encore aujourd'hui, celle d'une jeune fille belle, d'origine noble mais désargentée, qui va être offerte au roi par sa famille pour obtenir des faveurs. On n'est pas très loin des mariages forcés, encore très courants aujourd'hui dans le monde. Cette jeune fille va quitter son Auvergne natale pour découvrir Versailles, son faste, ses richesses, ses méchancetés aussi, l'étrange système polygamique créé par Louis XIV, l'amour, le sexe, la médisance et la jalousie. Autour du personnage de la duchesse de Fontange règne encore aujourd'hui un mystère. Sa mort à 20 ans fut-elle naturelle, une mort en couche, comme beaucoup de femmes en subissaient alors, ou l'œuvre de Madame de Montespan, sa rivale, qui par jalousie l'aurait fait empoisonner. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Michel Verger-Franceschi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, vous venez avec Anna Moretti de publier chez Payot une histoire érotique de Versailles, un livre original où vous dites que le château de Versailles, de Louis XIV jusqu'à Louis XVI, fut autant un lieu de plaisir sexuel que de pouvoir, un lieu aussi d'amour. Mais dans cette histoire, quelle place occupe la jeune duchesse de Fontange ? Alors la duchesse de Fontange est bien entendu présente dans notre Versailles érotique, puisque c'est l'une des nombreuses maîtresses donc du roi Soleil. Elle occupe une place, si je puis dire, au prorata du nombre d'années, puisque elle n'a fait qu'un passage éclair. Elle est arrivée effectivement à Versailles très jeune, elle a accouché à 18 ans et demi, et elle est morte dans des conditions un petit peu curieuses à 20 ans, et donc elle est restée la favorite de Louis XIV pendant très très peu de temps. Ça n'est pas une madame de Maintenon qui partage la vie du roi pendant 40 ans, ça n'est pas une madame de Montespan qui donne 7 enfants au roi, ou même une Louise de la Vallière. Mais c'est un personnage émouvant qui sort du fin fond de son Auvergne dans une famille aristocratique qui l'a formée pour être la maîtresse du grand roi. Une histoire singulière dont nous allons parler avec vous davantage tout à l'heure, Michel Verger-Franceschi. Écoutons tout de suite la fiction sur la duchesse de Fontange, belle comme un ange, écrite et réalisée, pour autant en emporte l'histoire. Belle comme un ange, de Jean-Benoît Patricot. Une réalisation de Michel Sidoroff. Majesté. Majesté. Hein? Hein? Majesté. qui ose... qui ose venir troubler le sommeil du roi? C'est moi, Majesté. Oh. Hein? Qui êtes-vous, le triste fantôme? Ne craignez rien, Votre Altesse. Hein? Je ne suis point un esprit malin. Ah. Je suis celle que vous avez tant aimée. Mais je vois que vous m'avez oubliée. Qui est cette personne qui dort à vos côtés? Madame de Maintenon. Que la foi des amants est un gage mal assuré. Dites-moi votre nom, belle ombre. Je ne vois point vos traits sous ce linceul. Sire, je suis la Fontange, celle à qui vous disiez que j'étais la plus aimable de vos maîtresses. Moi, roi des cieux, saints et dévots martyrs qui êtes l'ultime recours des âmes affligées, délivrez-moi de la vision de celle qui fut la duchesse de Fontange et mourut à la fleur de l'âge. Allons, mon cher roi. Je ne viens point pour vous trouver, mais pour assurer la sauvegarde de votre âme. Retournez au ciel, belle enfant. Il faut vous défaire de Madame de Maintenon. Allons, duchesse, la mort n'efface donc pas la rivalité. Votre engagement auprès de cette femme, comme auprès de la Montespan, vous conduira au purgatoire où je suis, pour expier les péchés que j'ai commis avec votre majesté. Que n'êtes-vous au ciel, innocente créature? Chaque jour, mes torrents de larmes s'écoulent jusqu'aux enfers. Les plaisirs des sens ne sont que des joies passagères qui privent les humains de la félicité éternelle. Vous voici devenue bien vertueuse. Mais, ma chère, il me semble que vous oubliez qu'il ne fut pas question que de plaisirs charnels entre nous. De quelle omission suis-je coupable, Votre Altesse? Et vous oubliez l'amour, cet amour incroyable que je vous portais alors que j'étais dans la force de l'âge, et que vous n'étiez qu'une toute jeune fille. Et la grandeur de cet amour était qu'il fût réciproque. Si vous m'aimiez tant, pourquoi ne pas m'avoir vengée? Vengée de quoi, madame? De cet empoisonnement dont je fus victime, et qui entraîna mon trépas. Rien ne fut établi dans ce sens. Ce sont vos fausses couches qui vous menèrent auprès des parcs. Non. Point de mensonge. Mais... c'est la perfidie de la Montespan qui a eu raison de moi. Mais tout ce sang que vous perdiez... Ces flots vermeils étaient dus au poison. À cet enfant mort-né. Parce qu'on l'avait empoisonné. Les médecins n'en ont point trouvé trace. C'est ces eaux minérales qu'un des valets de la Montespan m'envoya et qui tuèrent deux de mes gens. L'accouchement, trop précoce. C'est la Montespan qui m'a tué, vous le savez fort bien. J'ai un secret à vous dire, madame, qui vous apportera la paix. Quel est-il? J'ai pris la résolution de fonder à perpétuité un service annuel pour le repos de votre âme. Dans plusieurs siècles, on priera encore pour vous. Sire... c'est mon âme que vous désirez sauver? Ou la vôtre? En 1679, le royaume de France est en paix. Le roi Louis XIV a signé l'année précédente le traité de Nimègue qui met fin à la guerre de Hollande. L'Espagne vaincue permet au roi de lisser la frontière au nord du pays et d'acquérir la Franche-Comté. Pourtant, le cœur du royaume va être témoin d'une guerre sans merci. À la cour de Versailles, la beauté est une arme. Et être belle comme un ange peut vous permettre de gravir au plus vite tous les échelons pour approcher au plus près le roi Soleil. Mais il y a un risque. Le risque de déclencher une jalousie qui, attisée par votre innocence, peut se transformer en haine et menacer votre vie. C'est ce que va découvrir Marie-Angélique de Scorail, demoiselle de Fontange. Un soir, j'ai eu la révélation de ce que je pressentais. Père a mis une de ses roustes à mon frère aîné. Du Dieu, j'ai cru qu'il allait le tuer. Son crime n'était pourtant point grand. La nuit venue, nous étions tous sortis pour aller voir la lune rousse. c'est que nous n'avons point trop de distractions au château de Cropière. Nous manquons de tout, et il n'est pas question de gâcher pour festoyer. Alors, une lune pouvait faire un spectacle. Mon frère a buté sur une racine, et son flambeau s'est approché tout près de moi. Oh, juste quelques cheveux grillés. Mes pères, avertis par mes cris et l'odeur, comprit ce qui s'était passé et roua de coups son aîné. Il hurlait « Tu as failli nous l'abîmer, espèce de crasseux !» Depuis mes 13 ans, j'ai l'impression d'être l'objet d'un traitement particulier. Entre, Marie-Angélique. Mère, je ne suis point vêtue. Je n'ai que ma chemise. Ferme la porte. Et viens te mettre devant le grand miroir d'étain. Très bien. À présent, quitte ta chemise. Mais je n'ai rien. Allons, point de simagrée. Quitte ta chemise. Voilà. Maintenant, regarde dans le miroir. Que vois-tu? Aïe! Mère, pourquoi me frappez-vous? Ne ris pas de toi. Ne ris plus jamais de toi. Regarde-toi, Marie-Angélique. Tes cheveux changent de couleur selon la course du soleil. Ils vont du feu au miel doré. Et tes yeux, la nature elle-même ne peut égaler ce gris bleu. Mère. Et tes dents. Mère, vous me faites mal à me tordre la bouche comme à une jument. Regarde. Tes dents sont de nacre. Et ton teint à la douceur de l'opaline. Et tes seins sont harmonieux. Et ta taille est si fine que je peux en faire le tour avec mes deux mains sans qu'elle n'ait jamais été corsetée. Alors, que vois-tu? Une personne bien faite? Non, Angélique. Tes sœurs sont bien faites. Toi, tu es belle. À nulle autre pareille. Sais-tu ce que cela veut dire? Que je trouverais un galant de haut rang? Non, ma fille, non. Que tu es digne d'un roi. Hein? Tiens, mets ces jupes. Il faut que tu sois bien mise. Mère, elles sont magnifiques! Comment avez-vous pu les acheter? Il faut parfois faire des sacrifices pour un retour à bonne fortune. Tiens, mets la première. La secrète. Oui. Et par-dessus, enfile la friponne. Oh, quel est ce tissu? Du taffetas. Et voici la jupe du dessus. La modeste. Touche comme elle est douce. C'est du satin. Parfait. Relève la première sur le côté que l'on voit un peu les autres. Elle n'a pas de traîne? Eh bien, la leçon est vite apprise. Il y a 5 minutes, tu n'étais encore qu'une paysanne et à présent, tu veux une traîne comme une duchesse. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. Un jour, ta traîne sera longue. Ne serre pas tant ton corset et remonte tes seins. Il faut qu'on envoie la naissance. J'ai l'air d'une dame de la cour. Mère, pourquoi tous ces frais? Le cousin de ton père, le baron de la Père, vient nous rendre visite. C'est un homme important de la cour de Versailles. Il est conseiller du roi en ses conseils. Il faut que tu lui fasses grande impression. Viens, nous allons préparer ton entrée. Tu passeras par le vestibule pour que le rayon de soleil qui pénètre par l'œil de bœuf vienne frapper ta chevelure. En 1679, Mademoiselle de Fontanges est introduite à la cour en tant que fille d'honneur de la princesse palatine, duchesse d'Orléans, belle-sœur du roi. Ces demoiselles forment un bataillon chargé de divertir et de servir la princesse, mais constitue aussi une pépinière de jeunes beautés, désireuses de pousser dans le monde et peu scrupuleuses sur le chapitre de la vertu. Marie-Angélique de Fontange se fait rapidement remarquer et suscite déjà la jalousie. Mademoiselle de Fontange est belle comme un ange, mais sotte comme un panier, disent les mauvaises langues, oubliant qu'il est difficile pour une jeune fille de 17 ans, tout juste dégrossie de ses manières paysannes, d'affronter l'esprit caustique de femmes aguerries comme Madame de Montespan. Curieusement, dans un premier temps, celle-ci ne s'alarme pas de voir débarquer cette ingénue, la croyant peu redoutable. La Montespan envisage même la possibilité de la pousser dans les bras du roi pour la détourner de sa principale rivale, Madame de Maintenon. Dans une heure, je pars pour Paris. Ma chère famille, je sais tous les espoirs que vous mettez en moi. Nous sommes une des plus nobles maisons du Cantal. Et pourtant, j'ai vu mère obligée de louer notre château de Roussille et être contrainte à vivre dans cette gentilhommière délabrée qui n'a de château que le nom. Il n'y a plus rien à vendre, ni belle vaisselle, ni terre, rien. Je suis votre salut. Quels que soient les sacrifices demandés, je les accomplirai, sans remords, sans regret. Mademoiselle de Fontange. Madame la marquise de Montespan, je vous salue. Venez, mon enfant, faisons quelques pas ensemble. Je ne sais pas si je puis m'éloigner de la princesse Palatine. Ne craignez rien. Elle sait mon désir de m'entretenir avec vous. Elle n'en fera pas ombrage. Je suis donc à votre service, madame. Marchons, voulez-vous? Même si ces allées encore poussiéreuses risquent de gâcher nos souliers. La vue est si belle. On peut voir... Oui, c'est cela. Dites-moi, êtes-vous depuis longtemps demoiselle d'honneur de la princesse? Depuis octobre. Le palais royal doit vous changer de votre Auvergne natale. Oui, assurément. La princesse m'a dit que vous aviez une grande capacité d'adaptation. Je suis là pour apprendre, madame, et j'espère donner satisfaction à la princesse. C'est très bien. C'est une qualité que de savoir obéir. N'est-ce pas? Laissez-moi vous regarder. Tournez-vous, mademoiselle. L'on ne m'avait point menti. Vous êtes d'une grande beauté. Telle que la nature a voulu me façonner. Faites-moi une faveur. Tenez-vous ici. Levez un peu le menton. Oh. Paraissez contempler le château sans bouger aucunement, ni d'un cil, ni d'un pied. Selon vos désirs, madame, je m'exécute. Madame. Je me demandais ce que font ces jeunes gens là-bas. Ils creusent le grand bassin. Ils promettent d'être aussi vaste qu'une mer. C'est mon souhait. Oh, regardez, Votre Altesse. Voilà une fort jolie statue. En la voyant, je me demandais du ciseau de quel artiste elle sortait, et j'ai été bien surprise lorsqu'on m'a dit qu'elle était vivante. Statue tant que vous voudrez, mais vive Dieu, c'est une belle créature. Allons voir si elle parle, ou si elle n'est que de marbre. Prenons le risque de l'éveiller. Votre Altesse, permettez-moi de vous présenter Marie-Angélique de Scorail, demoiselle de Fontange, qui est au service de la princesse Palatine. Votre Altesse. Relevez-vous, mademoiselle. Je vous ai déjà remarqué lors de mes courtes mais instructives visites au palais royal. Il me semble que vous êtes davantage à votre place ici à Versailles, au milieu de toutes ces merveilles. Mais de quelle couleur sont donc vos yeux, mademoiselle? Bleu, votre majesté. Et parfois gris. Quel bleu fascinant, à nul autre semblable. Il faudra que vous me les confiez pour que je fasse teindre des rubans de cette sublime couleur. Mes yeux sont à vous, Altesse. Allons, on ne peut les dépareiller de tout le reste. Alors, tout est à vous, sire. Parole retenue. Mademoiselle, je vous salue. Majesté. Quelques soirs plus tard, alors que je m'étais retirée dans ma chambre, on a toqué à ma porte. Le roi était là, devant moi. Il est entré. Il m'a fallu quelques instants pour reprendre mes esprits. Je savais ce qui allait se passer. Je le désirais et j'en avais peur à la fois. Le roi a tout de même plus de deux fois mon âge. J'essayais de le maintenir à distance, mais sans cesse, il s'approchait de moi, me prenait la main et la baisait. Il vantait la douceur de ma peau, la fraîcheur de mon teint, me couvrait de compliments. Je n'arrivais pas à penser. Je m'écriais que c'était la première fois que je me trouvais si proche d'un homme qui ne soit ni mon père ni mes frères. « Je ne suis pas un homme, » tonna-t-il. « Je suis le roi. » Puis, voyant que son esclandre m'avait tout ému et fait venir les larmes, il m'a parlé de la voix la plus douce. Déjà, il quittait son manteau et dénouait son col. Je me suis réfugiée sur mon lit. Il a pris cela pour invite et m'y a rejointe. Il s'est allongé près de moi. Il voulait un baiser. Je le lui ai donné. Il m'a dévorée. J'ai encore tenté de m'échapper, mais je n'étais pas de taille à lutter contre la vaillance et le désir du roi. Il a retroussé ma chemise, défait ce qu'il fallait de son habit, sa main a forcé la résistance de mes cuisses fermées. Tout son poids s'est porté sur moi. Pour ne point étouffer, je me suis relâchée et j'ai senti qu'il entrait dans la place. Mes cris, mes pleurs ne le retinrent pas. Le roi grognait dans mon oreille, satisfait de son plaisir et du sang répandu. Mais quand ce fut fini, que le roi se laissa emporter par la petite mort, je me redressai et le contemplai. Je crois que j'ai souri en pensant « Le roi est à moi ». Dans un premier temps, le roi s'évertue à tenter de garder secrète cette liaison. Madame de Montespan, persuadée d'avoir sauvé son statut de favorite en titre, déploie mille efforts pour que les deux amants se voient en toute discrétion. Les visites chez Madame de Maintenon s'espacent, le roi préférant rejoindre sa jeune maîtresse dès que les affaires de la France lui laissent un peu de liberté. Madame de Montespan reste donc la femme la plus puissante de la cour. Pourtant, la donne est en train de changer. Le roi est épris et prêt à tout pour satisfaire les désirs de sa nouvelle maîtresse. La révélation de son amour pour Mademoiselle de Fontange se fait par omission. Chaque soir, quel que soit le lit dont il sort, le roi rejoint la reine après la cérémonie du coucher public. Or, une nuit, la reine se retrouve toujours seule à 4 heures du matin. L'irritation ayant laissé place à l'inquiétude, la reine réveille ses gens. Le roi a disparu. On part à sa recherche, chez la Montespan, chez la Maintenon, des hommes sont dépêchés chez toutes celles qui ont eu les faveurs royales. Mais ils reviennent bredouilles. Le royaume de France a perdu son roi. Au petit jour, le roi réapparaît et finit par avouer à la reine que la veille au soir, il s'est introduit au palais royal alors que tout le monde dormait, et y a passé la nuit. Dès le lever du jour, le nom de Fontange court dans tout Versailles. Elle me chie dans la malle jusqu'au cadenas. Allons, madame, un peu de tenue. Ce langage de charretière ne sied point à madame de Montespan. Ce qui ne me sied pas à moi, c'est que vous vous affichiez avec cette paysanne rougeaude. Comment avez-vous pu me faire cet affront? Mais c'est vous-même qui... Devant toute la cour, vous m'avez ridiculisée. Allons, ce n'est pas la première. Mais les autres n'avaient point le droit à un appartement au château vieux juste à côté du vôtre? Vous la couvrez de présents, de pièces d'or, de mantes bordées de cygnes, que sais-je encore? Faut-il qu'elle sache s'y prendre, la donzelle? Calmez-vous. Est-ce que sa bouche mignarde s'est été mieux que d'autres? Suffit, madame. Est-ce que sa main branloche d'une façon singulière? Que voulez-vous savoir à la fin, si votre roi jouit bien de sa fortune? Sachez, madame, qu'elle me fait exulter plus de 3 fois dans la nuit. Calmez-vous, à présent. Me calmer ? Morbleu, jamais tant qu'elle sera là. Prenez exemple sur la reine. Elle en a pris son parti et ne remue point l'air, comme vous le faites. Évidemment qu'elle ne moufte pas l'Autrichienne. Elle est reine, mais moi... Vous êtes toujours la favorite en titre et la mère des enfants que j'ai reconnus. Pour combien de temps ? Je vous préviens, si elle vous fait un bâtard, je le dévorerai moi-même. Suffit, madame. Cette fois, je suis indisposé à votre égard. Moi qui étais venu en ami, vous offrir quelques compensations. Dites toujours. Le titre de duchesse. Je n'en veux point. Donnez-le à votre donzelle. Elle aura ainsi un titre qui lui permettra de vous approcher. Je vous octroie le privilège du tabouret. Et croyez-vous que de pouvoir rester assise en présence de la reine va me suffire ? Quel serait votre désir ? Je veux la charge de surintendante de la reine. Cela va me coûter au moins 200 000 écus. La charge ! Vous l'aurez. Et le tabouret ! Ma fille, tu vas bien ? Je te vois toute chavirée. Mère, je suis bien aise que vous soyez venue me rejoindre à la cour. Cette femme est folle. De qui parles-tu ? La Montespan. Belle madame, comme on l'appelle pour se moquer d'elle. Hier encore, elle me complimente sur cette nouvelle coiffure que j'ai mise à la mode, alors qu'elle n'arrête pas de dire que c'est vulgaire. Toutes les femmes de la cour l'ont adoptée. Pas elle. Et cette belle madame qui a été la maîtresse du roi pendant 12 ans... a le culot de me conseiller d'abandonner le roi, soi-disant pour sauver nos âmes. Que lui as-tu répondu ? Madame, vous me demandez de me défaire d'une passion comme on quitte une chemise. Vous ne connaissez donc rien au mouvement du cœur ? Bien joué. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Les appartements que le roi vient de m'offrir. Ils sont dignes d'une reine. Eh bien, elle les a dévastés. Elle-même ? Bien sûr que non. Elle a utilisé des compères, et devinez de quel genre ? Des soulards ? Non, des ours. Des ours ? Oui, ma mère, vous entendez bien ? Madame de Montespan a fait saccager mes appartements par 2 ours lubriques soi-disant apprivoisés. Mais d'où viennent-ils ? C'est le roi qui les lui avait offerts. Ils ont tout brisé, déchiré les paravents de soie, troué les tableaux, lacéré les lambris. Un carnage ! Tout Versailles est venu voir les dégâts. Le roi fera remettre tout cela en place. En attendant, je suis la risée de la cour. On pouffe, on s'esclaffe à mon passage. Cela va passer. On a même osé dire qu'avec les ours... De la jalousie, ma fille. N'y prends pas garde. J'ai demandé au roi qu'il réprimande Madame de Montespan. Ne t'y risque pas, ma fille. Mais enfin, mère. Tu ne sais pas l'étendue de leur attachement. Il vaut mieux que tu te taises. Si le roi ne la retient pas, Dieu sait jusqu'où elle pourra aller. Ne prends pas le risque de contrarier le roi. Et si ma vie est en danger ? Pense à l'or que le roi t'offre pour reconstruire le château de Cropière. Ou charge pour tes frères et sœurs. Ne fais pas de vagues. Ne mets pas en péril ce que tu obtiens. Vous semblez plus vous soucier de vos rentes que de ma vie, mère. Mais soyez tranquille, elle ne risque pas de disparaître. Ni belle madame, ni les rieurs ne peuvent plus rien contre moi. Que se passe-t-il ? J'ai une arme redoutable, imparable. Qu'as-tu fait, ma fille ? Moi ? Rien. J'ai laissé faire. Je suis pleine, grosse de notre roi. Et je voudrais voir leur sourire s'effacer de leur face de carême, quand ils sauront que je vais donner un enfant au roi et me l'enchaîner à tout jamais. Bertrand, viens ici. Je veux que tu te rendes chez la voisine. Écoute-moi, cesse de gesticuler. Ce n'est pas pour nos affaires habituelles. Ne t'avise pas de me rapporter des poudres aphrodisiaques ou des crèmes merveilleuses. Dis-lui que j'ai de la vermine en ma maison dont je souhaite me débarrasser. Qu'est-ce que tu mimes là ? point de souris plus gros. Mmh. Non, pas des rats. C'est une bénédiction que tu aies eu la langue coupée. C'est le gage de ta discrétion, mais fais un effort. Puisque la voisin comprend tes singeries, dis-lui que j'ai un chaton hydrocéphale qui tait au sein et une pouliche récalcitrante qui m'a fait chuter. Je veux me débarrasser des deux, tu comprends? Bien, alors file et fais au plus vite. En enquêtant sur des messes noires qui auraient été dites, la police découvre que certaines épouses de membres du Parlement auraient voulu empoisonner leur mari. Certaines fournisseuses de poudre létale ayant cité des personnes de qualité, un tribunal spécial est créé, la Chambre Ardente. Pour éviter le supplice de la question, la fille de la voisin met en cause Madame de Montespan, la dénonçant comme cliente régulière de sa mère. Celle-ci lui aurait procuré du poison à plusieurs reprises et le nom de la victime supposée est même cité, Mademoiselle de Fontanges. Le roi exige alors que les procès-verbaux où apparaissent son ancienne favorite soient traités à part. Alarmé par ces rapports, il fait mettre en place une protection autour de Mademoiselle de Fontanges. Ils me disent que c'est la volonté de Dieu. Ils me disent que c'est parce que le petit ange est venu avant l'heure qu'il n'y a pas survécu. Ils me disent tant de mensonges, je sais à quoi m'en tenir. On m'a pris mon fils. Dieu n'aurait jamais voulu rappeler à lui le fruit d'un si bel amour. Ils ne répondent pas quand je leur demande pourquoi la nourrice qui lui a donné le sein est morte 2 jours après lui. Ils ne savent pas où est cet onguent qu'on lui avait donné pour ses crevasses au sein. Ils font les bêtes, les innocents. Mais moi, je sais, c'est elle, la Montespan. Cette bonne madame s'est accoquinée avec des sorcières, on le dit. Le roi me protège, mais la couvre aussi. Il ne faut pas nuire à la réputation de celle qui est mère de ses enfants. Ces bâtards que le roi a légitimés et qu'il chérit. J'aurais voulu aller affronter cette meurtrière, mais j'ai été si faible après l'accouchement. Trop de sang perdu qui me rendait languissante. À Versailles, il prononçait déjà ma messe de requiem. Heureusement, le guérisseur du roi m'a remise sur pied. J'ai eu si peur, peur que le roi se détourne de moi à cause de ma faible complexion. Mais le roi est grand. Il m'a consolée, m'a comblée et offert le plus beau des carrosses. Il est de la couleur de mes yeux, frappé des armes de ma famille et tiré par 8 chevaux gris pommelés. Tout Versailles a pu remarquer mon retour triomphal. Le roi m'a donné le titre de duchesse. Ils sont tous venus s'incliner devant moi. Même bonne madame, qui avait l'air d'avoir bu la plus exécrable des purges. La porte de mon antichambre est prise d'assaut. Je suis Marie-Angélique de Scorail de Roussille, duchesse de Fontanges. Je suis la véritable reine de la cour de Versailles. La protection de la duchesse de Fontanges est augmentée dans ses appartements, dans ses cuisines. On lui interdit de toucher les étoffes, d'essayer des gants neufs qui pourraient être imprégnés de poison. Une nouvelle estocade ne tarde pas, mais elle ne vient pas de la Montespan. Le coup le plus violent contre son amour pour le roi est porté par un homme d'église, le père Bourdaloux, qui prononce un sermon sur l'impureté à la veille du carême. Que dire d'un chrétien qui considère une fornication et un adultère comme une belle action, qu'il met au nombre de ses plus heureuses conquêtes? N'est-ce pas là faire le dernier outrage à Dieu? Le roi est ébranlé. Il demande à la duchesse de Fontanges de se retirer durant les fêtes de Pâques. La duchesse accepte, c'est de bonne guerre. Elle reviendra reprendre sa place après que l'église se sera calmée. Mais alors qu'elle a trouvé refuge loin de la cour, les pertes de sang opiniâtres reprennent. Les médecins s'avouent impuissants à enrayer le mal. Marie-Angélique s'étiole. Le roi ne supporte pas les femmes malades, il ne lui rend pas visite, mais lui fait parvenir de nombreux présents. Je suis Je suis la reine. J'ai tout pouvoir sur le roi. Je suis... J'ai la fièvre. Il m'a saigné. Pourquoi me livrer à la lancette alors que de mes entrailles coule tout ce sang? Je suis Marie-Angélique de Scorail, reine de France. Je suis la plus précieuse du roi. Dieu tout-puissant, maître de l'univers, prenez-moi en pitié. Je me réponds. Je me reprends. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse. Je crache des glaires dorés et putrides. Je viens à vous. Ils portent des mouchoirs à leur nez quand ils m'approchent. Je sens la mort. C'est la Montespan. Je la vois. Elle est là, nue, sur l'autel. Le crucifix a été renversé. On éviscère mon enfant sur son ventre. Mon fils. Elle rit. Sorcière. Aux enfers. Le roi est là. Qu'on me coiffe, qu'on me parfume. Je trouverai la force de parler. Qu'on décèle mes lèvres avec une lame. Ne dites pas un mot, madame. Vous avez l'air si faible. Je suis... Oui, madame. En paix avec notre Seigneur. Alors, fermez les yeux et quittez ce monde qui ne peut plus rien pour vous. Bel ange. Ma beauté s'est fanée en un jour et je n'ai que 20 ans. Approchez-vous, mon roi, que je vous vois mieux. Voilà, madame. Je meurs contente, puisque mes derniers regards ont vu pleurer le roi. Requiem aeternam, dona ei. L'annonce du décès de la duchesse de Fontanges est accueillie avec beaucoup d'incrédulité par la cour. Comment cette jeune femme à la mine resplendissante a-t-elle pu se consumer en si peu de temps? Ce ne peut être la volonté de Dieu. C'est plus certainement celle d'une femme. Le bruit court que la Montespan l'aurait empoisonnée. Mais 10 jours après sa mort, la duchesse n'est déjà plus un sujet de discussion. Le roi a fait débarrasser au plus vite ses appartements. Il ne reste plus d'elle que l'épitaphe d'un poète anonyme. Autrefois à la cour, on me vit égale. Maîtresse de mon roi, je défie une grande rivale. Jamais un temps si court ne fit un sort si beau. Jamais fortune aussi ne fut si tôt détruite. Ah, que la distance est petite, du comble des grandeurs à l'horreur du tombeau. C'était « Belle comme un ange » de Jean-Benoît Patricot. Avec Mademoiselle de Fontanges, Clara Noël. Le roi, Jean-Marie Gallet. La mère de Mademoiselle de Fontanges, Myriam Derbal. Madame de Montespan, Catherine Tartarin. Et la voix de Stéphanie Duncan. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus, Éric Villenfin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidoroff. On reparle sur France Inter dans quelques instants de l'histoire de la duchesse de Fontanges avec l'historien Michel Verger-Franceschi. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. All the trees that we do not climb bridges. We're crossing our minds, who are we fooling? When we cry, when she says everything is fine over her head, clouds that look like mines, oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside waiting for a light. All the roads that you never take, all you know but never suspect, rotten fireworks kept inside. Look at them, tell me what you see over there, dancing in the sea, free from all. Jeanne Haddad, Look at Them sur France Inter. Michel Verger, Franceschi, et nous avons entendu donc l'histoire touchante de la jeune Marie-Ange Scorat, duchesse Fontanges, arrivée à 17 ans à Versailles, la favorite de Louis XIV, morte à 20 ans, des suites d'un accouchement, ou bien empoisonnée, on ne sait pas, on y reviendra. Ah, cette histoire fulgurante, est-elle unique ou banale parmi les favorites des rois de France à Versailles singulièrement? Ah, c'est courant, il est évident que approcher le roi, qui est la source de toutes les grâces, de toutes les récompenses, de toutes les faveurs, de tous les privilèges, c'est quelque chose d'extraordinaire pour une famille. Donc ce qui arrive à celle qui devient la duchesse de Fontanges, c'est ce qui arrivera ensuite à Madame de Pompadour, par exemple. C'est ce qui est arrivé également à Louise de la Vallière. Donc des filles très très belles ne sont pas très nombreuses sous l'Ancien Régime. On aime bien avoir une jeune fille qui a une jolie bouche, avec les dents qui sont très régulières, ce qui n'est pas le cas, effectivement, si on laisse la nature faite. Et donc, dans une famille, lorsqu'on a une jeune beauté, on pense immédiatement, ce sera pareil pour Madame de Pompadour, à en faire une favorite royale. Le sort de la famille, la fortune de la famille, la fiction est excellente parce qu'elle représente parfaitement la conception de la cour de Versailles au XVIIe et XVIIIe siècle. Ah, c'est quand même étonnant, une famille comme ça qui s'organise, enfin pour dresser, on peut dire carrément, ça, leur fille à devenir la favorite du roi, c'est la maîtresse, quoi. C'est même pas un mariage catholique, on est quand même dans une époque très religieuse. Ah oui, c'est amusant de voir que le très chrétien, Louis XIV, on le montre bien dans notre livre, là dans le Versailles érotique, est le père de 21 bâtards, que Louis XV, le très chrétien, sera le père de 31 enfants illégitimes, qui seront ensuite reconnue. Et donc, cette fiction se place exactement dans le parallèle avec ce livre, donc le Versailles érotique. Et on y retrouve notamment l'idée de la Vénus au miroir, que décrit très très bien dans un des passages Anna Moretti, lorsqu'on voit la mère de la duchesse de Fontanges qui fait admirer à sa propre fille la beauté. On a ça avec Louise de la Vallière, on a ça avec Madame de Montespan, on aura ça avec la mère de Madame de Pompadour. Et donc, ce sont de très belles blondes qui ont donné naissance d'ailleurs à cette fameuse chanson sous le règne de Louis XIV à la même époque, « Ah, auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir », parce que la reine, la Vallière, la Montespan étaient toutes de très belles blondes aux yeux bleus. À propos de chansons, il y a aussi une chanson populaire que tout le monde connaît, « Le roi a fait battre tambour », une chanson qui raconte un peu l'histoire de la Fontanges. Je ne sais pas exactement cette histoire-là, mais je vous propose d'en écouter un extrait. Marquis, dis-moi, la connais-tu? marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Le marquis lui a répondu, sire roi, c'est ma femme. Marquis, tu es plus heureux que moi. Marquis, tu es plus heureux que moi d'avoir femme si belle. Si tu voulais me l'accorder, je me chargerai d'elle. Sire, si vous n'étiez pas le roi, sire, si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerais vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. Adieu, mamie, adieu, mon cœur. Adieu, mamie, adieu, mon cœur. Adieu, mon espérance. Puisqu'il te faut servir le roi, séparons-nous d'ensemble. La reine a fait faire un bouquet. La reine a fait faire un bouquet de belles fleurs de lys. Et la senteur de ce bouquet a fait mourir Marquise. Le roi fait battre tambour, un extrait par la jolie voix de Marie Laforêt, c'était en 1967. On a un peu cette histoire, donc à la fois le roi qui exige une femme, donc là en l'occurrence son mari va devenir beau maréchal de France, et puis à la fin la reine fait faire un bouquet et la senteur de ce bouquet empoisonne cette marquise. Là c'est évidemment dans l'histoire de La Fontange, c'est Madame de Montespan qui fait. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a eu empoisonnement de la part de la Montespan, ou est-elle, La Fontange est-elle morte simplement de mort naturelle des suites d'un accouchement qui s'est mal passé? Les maris étaient généralement très heureux de voir leur épouse dans le lit du roi, parce que c'était pour eux un moyen de promotion. Le seul qui a refusé ce genre de choses a été Monsieur de Montespan, qui lui a été absolument furieux. Racontez, dans votre livre, Michel Verger-Franceschi, un épisode qui m'a surprise. C'est la femme donc qui a dépucelé le jeune Louis XIV, donc c'était bien avant cette histoire-là, quand il avait 14 ans. Et bien cette femme, qu'on appelait la Borgnesse, elle ne devait pas être très très belle, elle avait dépucelé le roi sur demande de la reine-mère, et bien son mari a obtenu des avantages aussi. Bien sûr, c'était Cato la Borgnesse, qui était une femme très légère, et qui était beaucoup plus âgée que le jeune Louis XIV, adolescent, effectivement, a déniaisé le roi, ce qu'il se faisait pour tous les souverains, ça ne s'est pas fait pour Louis XVI. Et c'est peut-être un petit peu dommage quand on voit le résultat donc du couple Louis XVI et Marie-Antoinette. Mais c'est vrai qu'on attendait que l'adolescent soit pubère. On l'attendait aussi pour le régent. On l'attendait pour les personnages importants de la cour, pour le duc d'Orléans. Et donc, on les faisait déniaiser par une femme expérimentée. Alors, j'ai beaucoup aimé dans la fiction le fait que Madame de Fontange est dévirginisée. C'est très, très bien raconté dans la fiction. Ça ressemble beaucoup à un passage là aussi de notre Versailles érotique, lorsque Louis XIV rencontre pour la première fois Louise de la Vallière, qui est également dévirginisée par le roi. Maîtresse qu'il a eue plus jeune. Oui. Toute jeune, qui a 17 ans et demi aussi, et pour laquelle il construit Versailles, il ne faut pas l'oublier. Mais revenons à l'affaire des poisons, Michel Verger-Franceschi. Est-ce que la marquise de Montespan a empoisonné ou fait empoisonner la duchesse de Fontanges. C'est très difficile de répondre à cette question parce que on a une espèce de fureur des poisons dans ces années 1679-80 où toute mort paraît un petit peu suspecte. C'est vrai pour la belle-sœur de Louis XIV, donc pour Madame Henriette, par exemple. On a même parlé de gants empoisonnés pour Colbert, en particulier. La fiction, là aussi, parle de gants à un moment et oui, elle a parfaitement raison. Elle doit se méfier des gants, ne pas porter n'importe quoi. On mettait des poudres, en effet, sur les gants que l'on portait de temps en temps à la bouche et on absorbait du coup le poison de cette façon-là. Madame de Fontanges, elle meurt jeune, 20 ans, après au moins un accouchement, peut-être ensuite aussi une fausse couche. Donc elle a perdu beaucoup de sang. Madame de Sévigné a été très cruelle en disant elle est morte dans le service, donc ce qui est une phrase absolument d'une cruauté extraordinaire. Et en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Elle était peut-être aussi tuberculeuse, donc on l'entend tousser d'ailleurs dans la fiction, avec beaucoup de justesse, parce qu'elle avait peut-être la phtisie qui sévissait régulièrement au XVIIe et au XVIIIe siècle. On n'a jamais pu prouver que Madame de Montespan l'a vraiment empoisonnée, parce que Madame de Montespan a donné 7 enfants au roi, et que le roi a voulu faire interrompre toutes les poursuites possibles contre Madame de Montespan, parce qu'il ne voulait pas laisser après lui l'image d'une mère empoisonneuse à ses différents enfants, en particulier le comte de Toulouse et le duc du Maine. Donc les archives de l'affaire des poisons ont été supprimées par Louis XIV après la mort de Madame de Montespan en 1707. Mais là aussi, on entend dans cette fiction les messes noires, on entend Madame de Montespan la voisin qui est nue avec un enfant qui serait éviscéré sur le ventre de Madame de Montespan, c'est ce que l'on prétendait qu'elle faisait exercer par des prêtres sataniques des messes noires dans son château à côté de Versailles. On a eu une fureur d'empoisonnement, certains sont réels, celui de Madame de Fontanges n'est pas vraiment prouvé, mais c'est vrai que certains de ses domestiques ont reçu des boissons empoisonnées et que on ne peut pas totalement lever le voile. Il y a un excellent livre qui est celui d'Agnès Walsh sur l'affaire des poisons qui ne conclut pas non plus, mais qui est un très très beau livre sur la question. Et ce système, on peut parler presque d'un système, quand la jeune fille, donc la duchesse de Fontanges, arrive à Versailles, c'est quand même étrange, pour nous en tout cas, ce système un peu polygamique qui règne à Versailles. Ce roi avec ses favorites, la reine à côté, tout le monde cohabite, ça a l'air de fonctionner relativement bien. C'est quand même hallucinant, vu de notre point de vue d'aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, l'opinion publique est apparue comme surprise de voir deux femmes aux obsèques de Mitterrand, donc ça m'avait beaucoup amusé en tant qu'historien, parce que à la cour de Versailles, il y avait d'un côté la reine, de l'autre côté Madame de Montespan, Louise de Lavallière ou Madame de Fontanges, toutes ces femmes enceintes en même temps donc du souverain, qui effectivement choquaient, comme vous le dites avec raison, surtout les ambassadeurs étrangers, Primi Visconti en particulier, ou les ambassadeurs d'Espagne. Mais Louis XIV avait érigé ce système de polygamie avec différents appartements pour ses différentes épouses et compagnes au château de Versailles. Merci beaucoup Michel Verger-Franceschi. Je conseille vivement la lecture de votre livre écrit avec Anna Moretti. Ça s'appelle Une histoire érotique de Versailles et c'est publié chez Payot. Voilà, autant on emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires avec impatience. Antoine Dabrowski était à la réalisation, assisté de Christiane Alain Favre à la technique et Bruno Poncelet. La semaine prochaine, je vous proposerai une nouvelle histoire romanesque, celle de Clara Morier, journaliste galloise, qui en 1871 enquête à Varsovie sur un jeune nationaliste polonais, Joseph Rosinski. Des personnages cette fois fictifs, mais dans un contexte bien réel, celui de la Pologne occupée par les Russes. Un texte original de Shaïn Kassim. Autant on emporte l'histoire, c'est dimanche prochain à 21h. Très bonne soirée.